Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a quitté Pyongyang le 17 par avion pour participer à la cérémonie de prise de fonction du président de la République de Guinée équatoriale. Les gardes d'honneur de l'armée populaire de Corée étaient alignés à l'aéroport international de Pyongyang. Kim Yong-nam a été salué par le vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême et autres officiels intéressés.